Today, I would like to talk about feelings with an nupassana, mindfulness on the feelings. Ce soir, je voudrais vous parler de Vedana, les sensations, l'attention aux sensations. Lorsque nous pratiquons la méditation, inévitablement, nous devrons expérimenter des sensations. Il est impossible de les ignorer. Dans le Satipatthana Sutta, le Bouddha explique qu'il y a trois types de sensations. Quand le méditant expérimente une sensation agréable, il sait qu'il expérimente une sensation agréable. Lorsqu'il expérimente une sensation désagréable, il doit savoir qu'il expérimente une sensation désagréable. Lorsqu'il expérimente une sensation neutre, une sensation qui n'est ni agréable ni désagréable, il doit savoir qu'il expérimente une sensation neutre. Telles sont donc les instructions du Bouddha. Il est également précisé que le méditant va commencer par expérimenter les sensations désagréables. Pendant la méditation assise, il nous est demandé de maintenir le corps immobile. Si on nous demande de maintenir le corps immobile, c'est pour que la concentration puisse se construire. Si le méditant change trop souvent la posture, il ne réussira pas à construire sa concentration. Et sans concentration, il est impossible de voir la nature réelle du corps et de l'esprit. Il faudra donc que nous restions assis sans bouger. Ceci va provoquer l'apparition des douleurs, des raideurs, des sensations désagréables en tout genre. C'est donc des sensations que je voudrais vous parler ce soir. La sensation désagréable ne se manifeste pas uniquement lorsqu'on pratique la méditation en posture assise. Dans la vie de tous les jours, ces sensations désagréables se manifestent également. Mais là, nous ne sommes pas attentifs. Et donc, on change de posture. Lorsqu'on pratique la méditation en posture assise, il ne s'agit pas de s'asseoir comme on le fait en général dans la vie de tous les jours. En méditation, on nous demande de garder le corps bien droit, ce sont les instructions du Bouddha. Alors que dans la vie de tous les jours, lorsqu'on est assis, il n'est pas obligatoire de maintenir le dos bien droit. À cause de cet effort pour maintenir le dos bien droit, la fatigue va probablement apparaître au niveau du dos. Il faudra alors, en tant que méditant, que nous notions fatigue, fatigue, ou bien douleur, douleur, que ces douleurs apparaissent dans le dos, dans la jambe ou n'importe où ailleurs dans le corps. Si donc on maintient la posture immobile, il est inévitable que toutes sortes de sensations déplaisantes se manifestent, et elles devront toutes être notées. Lorsque la douleur se manifeste quelque part dans le corps, il faudra focaliser l'esprit sur cette sensation. Il faudra la noter très attentivement, telle que vous la ressentez. Il est possible, si vous observez très attentivement la sensation douloureuse, que vous expérimentiez l'intensification de cette sensation. Mais il faudra pour cela que vous soyez très attentif. Il est impossible et inutile de vouloir faire disparaître la sensation désagréable. La seule chose qu'il convient de faire, c'est de la noter attentivement. Au début, vous aurez probablement peur de la sensation désagréable parce que ce type de sensation affecte votre esprit. Vous n'êtes pas habitué à observer la sensation désagréable. En général, dans la vie de tous les jours, lorsque la sensation désagréable se manifeste, on change tout simplement de posture. Mais ici, en méditation, il faut apprendre à accepter cette sensation et à la noter. Il n'y a pas de choix. Le vénérable Mahasi Sayadaw nous rappelle d'être patient, Soyez patient, dit-il. La patience mène au Nibbana. Si nous voulons donc atteindre le Nibbana, nous devrons nous montrer patients. Cette patience, il faudra l'avoir non seulement lorsqu'on observe le précepte moraux, lorsqu'on pratique samatha, mais surtout en méditation. La pratique de sila et de samatha exige également que l'on fasse preuve de patience, car nous ne pourrons pas faire tout ce que nous voulons. En méditation, il faudra tout particulièrement se montrer patient, et surtout avec les sensations douloureuses. Il faudra essayer de les noter attentivement, sans bouger, sans changer de posture immédiatement. Au début de la pratique, les sensations douloureuses vont se manifester très abondamment et elles seront intenses. Plus vous êtes attentif, plus vous en expérimenterez. Lorsque la douleur se manifeste donc, que ce soit dans la jambe, dans le dos, dans le bras ou n'importe où ailleurs dans le corps, vous devez noter attentivement « douleur, douleur ». Essayez d'être patient. Notez attentivement pendant un certain temps, sans bouger. Si vous réussissez à noter sans bouger, vous verrez peut-être que cette sensation se transforme parfois en chaleur. Si c'est le cas, vous devez alors noter « chaleur, chaleur ». Plus vous observez, mieux vous comprenez la chaleur. Parfois, la sensation sera coupante. Vous notez alors « coupant, coupant ». Ou bien, elle sera piquante. Vous notez alors « piquant, piquant ». Observer et noter toutes ces sensations douloureuses, c'est expérimenter. Lorsque la sensation douloureuse se manifeste, vous allez donc l'observer très attentivement. Vous ne changez pas de posture. Vous vous montrez très courageux. Vous réussirez peut-être à voir que cette sensation désagréable diminue d'intensité, ou même qu'elle disparaît. Il est possible d'expérimenter tout cela. Si c'est le cas, vous devez alors revenir au mouvement de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Après quelques instants, il est possible qu'une nouvelle sensation douloureuse apparaisse ailleurs dans le corps. De nouveau, vous l'observez attentivement, sans changer de posture. Elle ne va pas forcément disparaître, mais il est possible que vous la voyez se déplacer. Elle disparaît à un endroit du corps et réapparaît à un autre endroit du corps. Elle disparaît à gauche pour réapparaître à droite. Si vous êtes très attentif, vous pouvez voir la sensation douloureuse qui se déplace. Vous allez donc noter très attentivement la sensation douloureuse. Vous allez avoir besoin pour cela d'une forte énergie, surtout une énergie mentale. Je ne changerai pas de posture. Je noterai attentivement la sensation désagréable. Je veux observer la sensation désagréable. Si vous faites cela et que vous travaillez avec cette énergie mentale, tôt ou tard, vous verrez la sensation à l'état pur. Au début de la pratique, lorsqu'il y a, par exemple, une sensation douloureuse dans le genou, vous notez « douleur, douleur » et vous ressentez cette douleur dans le genou. Mais en même temps, vous êtes capable d'expérimenter la sensation douloureuse à l'état pur, même si, à ce stade, la forme extérieure du genou vous vient encore à l'esprit. Hier, je vous ai expliqué qu'il est possible, au début, d'expérimenter en même temps la forme extérieure et la réalité. Lorsque l'attention sera devenue forte, vous ne verrez plus que la sensation à l'état pur et l'esprit qui note. La forme extérieure aura disparu. Soyons donc patients et notons attentivement la sensation douloureuse. Quelle est la différence entre un pratiquant et un non-pratiquant? Un pratiquant qui expérimente une sensation douloureuse comprend qu'elle change constamment. Il comprend qu'elle n'est pas solide. il ne la voit peut-être pas disparaître, mais s'il note attentivement la sensation douloureuse, il verra par exemple que par moment elle augmente d'intensité, par moment elle diminue d'intensité. Voir toutes ces fluctuations de la sensation douloureuse, c'est comprendre. Le non-pratiquant ne note pas. Lorsque la sensation douloureuse se manifeste, il expérimente une sensation douloureuse, il sait qu'il y a dans le dos, dans le bras, dans la jambe, une sensation douloureuse. Mais il n'a aucune sagesse, il ne voit pas le changement, il ne voit que la forme extérieure. Vous me direz sans doute, lorsque je note la sensation douloureuse, la forme extérieure du genou qui a mal me vient encore à l'esprit. Je ne vois pas le changement. Je n'ai que de la douleur. Il faut savoir qu'il faudra un certain temps pour apprendre à observer la sensation douloureuse. Car cette sensation douloureuse, on ne veut pas la regarder. On veut changer de posture. Tout ceci est dû au fait que l'attention est encore insuffisante. C'est la raison pour laquelle on rappelle toujours au yogi de se montrer patient et de noter la sensation douloureuse. Si vous réussissez à tenir pendant une heure sans bouger, vous ressentirez sans doute encore de la douleur, mais vous aurez confiance en vous. Au début de la pratique, le méditant ne réussit pas à maintenir la posture immobile pendant une heure. Il change de posture lorsque la douleur se manifeste. Il n'a pas confiance en lui. Mais après quelques temps de pratique, il réussit à tenir sans bouger pendant une heure malgré les sensations douloureuses. La sensation douloureuse ne disparaît pas, mais il a réussi à maintenir la posture immobile pendant toute la séance. Ceci fait surgir en lui la confiance. Il sait dorénavant qu'il est capable de ne pas bouger malgré la douleur. Il a appris à accepter la sensation douloureuse et à la noter. Tout ceci va le faire progresser très rapidement. Lorsque donc la sensation douloureuse se manifeste, essayez de ne pas bouger. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas bouger, mais vous devez essayer de ne pas bouger. Car si vous changez trop souvent, vous ne progresserez pas très rapidement. Essayez donc d'être patient et d'endurer le plus possible la sensation douloureuse. Mais si elle devient insupportable, vous êtes autorisé à changer de posture. Mais essayez de ne pas le faire trop souvent. Et si vous changez de posture, vous devez le faire avec attention. Il y aura d'abord dans votre esprit le désir de changer de posture. Vous devez noter ce désir et répéter mentalement « désir de changer de posture, désir de changer de posture ». Ensuite, le corps va se mettre en mouvement et vous notez « changer, changer » très lentement. La première chose, c'est donc d'essayer de ne pas changer de posture. Mais si c'est impossible, que la sensation douloureuse est insupportable, vous êtes autorisé à changer de posture, mais essayez de ne pas le faire trop souvent. Lorsque la douleur devient très intense, essayez de vous montrer patient. Vous pouvez changer d'objet d'attention. Vous n'observez plus la douleur, mais vous revenez au mouvement de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Vous essayez de vous focaliser sur ces mouvements. Si l'esprit est fixé sur les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, la douleur va s'atténuer, car vous n'en êtes plus conscient. Si elle redevient prédominante, vous devez de nouveau noter la douleur. Si vous ne réussissez pas à rester sans bouger pendant une heure, mais que vous réussissez à le faire pendant 20 minutes, c'est très bien. Essayez cependant de développer la patience. Vous avez réussi à tenir pendant 20 minutes sans bouger, et à la séance suivante, vous allez essayer de tenir pendant 25 minutes. Progressivement, vous allez ainsi élever votre seuil de frustration. Vous allez passer de 25 minutes à 30 minutes, et ainsi de suite. Essayez donc de vous montrer patient et de ne pas bouger lorsque la douleur se manifeste. Et essayez d'augmenter progressivement votre capacité à l'observer. Si donc nous observons ainsi les sensations douloureuses pendant la méditation, nous mettons en application l'enseignement du Bouddha. Nous expérimentons ce que le Bouddha a annoncé. Lorsque les sensations douloureuses se manifestent, je sais qu'il y a en moi des sensations douloureuses. Ce sont donc les sensations désagréables que vous allez expérimenter d'abord. Il y aura d'abord les sensations désagréables grossières et très fortes, mais vous avez maintenant réussi à les gérer, comme par exemple les sensations de pression, de brûlure, de coupure, etc. Vous ressentirez ensuite les sensations désagréables subtiles. Vous devenez conscient petit à petit de sensations désagréables beaucoup plus subtiles. Par exemple, sur la bouche ou autour du nez, vous ressentez des vibrations très fines, des petites démangeaisons. Ces sensations subtiles sont parfois très difficiles à supporter. Lorsque une démangeaison se manifeste, par exemple, il peut être très difficile de lui résister. Vous avez le désir de vous gratter. Si la tension est faible, vous ne pourrez pas vous montrer patient avec ce type de sensation et vous allez vous gratter, sans être attentif. Parfois, le méditant a l'impression que des insectes lui courent sur le corps. Lorsqu'il ouvre les yeux pour voir si c'est le cas, il doit constater qu'il n'y a pas d'insectes. C'est également une sensation désagréable subtile. Au début de la pratique, le méditant n'aime pas la sensation douloureuse. Il change souvent de posture, il ne la gère pas correctement. Mais s'il se montre patient et qu'il note attentivement la sensation douloureuse chaque fois qu'elle se présente, son attention va se développer. Il en arrivera ainsi tôt ou tard à expérimenter le changement continuel de la sensation douloureuse. Il la verra chaque fois apparaître, puis disparaître, puis une nouvelle qui apparaît, qui disparaît. Il va réaliser que la sensation douloureuse n'est pas solide. Elle change constamment. Elle ne dure pas. Ce méditant voit le changement. Il voit la disparition de la sensation douloureuse. À cause de toutes ces prises de conscience, il va devenir intéressé par sa pratique. Au début, il n'aimait donc pas la sensation douloureuse, mais maintenant qu'il a vu le changement, qu'il a compris que cette sensation douloureuse ne dure pas, il devient intéressé. Il note attentivement parce que cette sensation douloureuse lui permet d'observer de façon très ferme. Son esprit s'est renforcé. Il est intéressé par ce qu'il expérimente. Il a appris à accepter la sensation douloureuse tout simplement parce qu'elle lui permet de raffermir son esprit et d'avoir une bonne méditation. Le méditant expérimente maintenant des sensations agréables, alors qu'au début, cette sensation, il la ressentait comme désagréable. C'est de cette façon que la sensation qui était désagréable devient une sensation agréable. La sensation est la même, mais l'expérience qu'il en a est différente, tout simplement parce que son attention s'est développée. La compréhension que le méditant a de la sensation a changé. Au début, l'attention est faible, la concentration également est faible. Comme ces deux facultés sont encore sous-développées, la compréhension l'est également. Mais avec la pratique, l'attention va se renforcer, elle va devenir de plus en plus forte. Et les sensations désagréables qui étaient ressenties comme telles au début vont tout doucement devenir des sensations agréables. Le yogi est en mesure de voir maintenant qu'une sensation désagréable de pression, par exemple, peut se transformer en mouvement. Il peut également voir que l'esprit qui note change aussi. Il voit donc que ces deux choses changent constamment, la sensation douloureuse et l'esprit qui note. Ce yogi comprend correctement parce que son attention est développée. Il voit clairement, il expérimente, c'est la sagesse. Il comprend que tout change. La sensation douloureuse change, elle se transforme en une autre sensation. Elle apparaît, elle disparaît. Il voit également que l'esprit qui note change constamment. Lorsque l'attention est faible, on ne voit pas le changement, parce qu'on est focalisé sur l'aspect douloureux de la sensation. On change de posture sans être attentif. On peut dire alors qu'on ne voit rien, on ne comprend rien. Mais lorsque l'attention se développe, on devient capable de voir que la sensation douloureuse apparaît, disparaît constamment. On comprend qu'elle est impermanente. On comprend qu'elle est dukkha, insatisfaisante, souffrance. Et on comprend également qu'il n'y a personne à l'intérieur de ces sensations douloureuses qui en serait le dépositaire. Il n'y a que la sensation douloureuse. On peut dire alors que ce méditant voit clairement. Let me continue tomorrow. May you be well and happy. May you be able to practice meditation diligently. With your practice, may you attain Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.